Toutes les angoisses, passé à venir, ce papier que je vois. Je n'ai rien à dire, je n'ai que la musique. Une pour lumière, quelques forêts idylliques. La course est folle et le temps reste flou. J'ai monté mon col, il a fait voir partout. Un pays qui désole et un vent un peu fou. Balade ma vie sur le sol comme les feuilles. Comme les fers. À qui je pense, à qui je crois, combien d'amis qu'il y a ton absence. En qui je pense, en qui je crois, combien d'amis qu'il y a ton absence. Je n'ai rien à dire, je n'ai que la musique. Une pour lumière, quelques forêts idylliques. La course est folle, mais le temps reste flou. J'ai monté mon col, il a fait voir partout. Un pays qui désole et un vent un peu fou. Balade ma vie sur le sol comme les fers. À qui je pense, à qui je crois, combien d'amis qu'il y a ton absence. En qui je pense, en qui je crois, combien d'amis qu'il y a ton absence. À qui je pense, à qui je crois, combien. Seul.